France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'art de Michel Audiard. Eh bien, des mots, enfin des phrases, des dialogues, des répliques, connues de tous. Une passion pour sa langue, oui. Alors quelle langue? Une langue verte. Du coup, Michel Audiard prenait des libertés avec la langue française, sans s'en sortir. Pas d'argot, pas vraiment d'argot. Il inventait des expressions qui étaient proches de l'argot. Bref, Michel Audiard avait inventé sa langue maternelle. Et aussi celle de Jean Gabin. Voilà, c'est tout un art. Rediffusion d'un tire-ta-langue, proposé pour la première fois sur France Culture, le 14 mai 2002. Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde. Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est... Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard. À Montreuil, on dit il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? Il ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est exprimé. Le dialoguiste d'un taxi pour Tobrouk, qui a donc osé écrire « Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche », Michel Audiard, puisqu'il s'agit de lui, va donc faire l'objet, dans un instant, du documentaire de Catherine Escrive. Il tombe certes dans la perspective de Cannes, mais surtout dans le sillage des présidentielles, l'actuel président de la République française, hors micro, surtout hors micro, cultivant un côté audiardesque appuyé, avec deux expressions fétiches, les merdes volent en escadrille et ça m'entouche une sans faire bouger l'autre. Mais Michel Audiard, comme le président Chirac, était plus complexe que son auto-caricature. Romancier à 16 heures, il avouait une certaine forme de snobisme me pousserait à écrire un certain genre de film que tout le monde va voir et un certain genre de livre que personne ne lit. Voilà peut-être pourquoi les films qui portent sa griffe arborent parfois des titres de livres, comme La métamorphose des cloportes. Les cloportes désignaient jadis les concierges. Et s'il fallait y voir aussi d'autres êtres confinés, les critiques de cinéma qui nous concoctent de curieuses et obsédantes métamorphoses, comme nous le verrons au dernier quart d'heure de l'émission avec le cinéaste Pierre Etex, que je recevrai en studio pour un petit livre tout cruel, Critiquons la caméra, aux éditions Séguier. Mais avant tout, écoutons la chronique de Philippe Barthelet. Sempiternellement aux antipodes de l'apophtègme d'Audiard, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Quitter Montauban. 2 ans à fabriquer de l'espadrille pour les congés payés. On ne peut dire en moins de mots la hargne et la fin de revanche d'un malfaiteur à sa levée d'écrou. Ses litotes explosives, Michel Audiard en a fait sa marque personnelle, au point qu'un film qu'il a dialogué est maintenant de lui, davantage que de son metteur en scène. Son nom même invite à tendre l'oreille, audio, pour le souvenir latiniste des petites classes, et cet art suffixe on ne peut plus populaire, comme diraient les intellectuels qu'il ne portait pas dans son cœur. Il avait trop l'air d'un indicateur pour ne pas être un intellectuel. Ses répliques définitives appellent le proverbe, un jugement dernier sur le monde et les hommes. Ainsi, le faussaire malchanceux des pissenlits par la racine, repris et renvoyé à ses espadrilles, se plaint-il. C'est ça le monde moderne, il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus que des fatalités. Pour autant, un homme ne capitule jamais. C'est la leçon circonstanciée des tontons flingueurs. Quels que soient les coups fourrés, les nervous breakdowns dont on le menace, les tentatives de sédition ou les mitraillages en forêt, il faut mettre son courage au-dessus des événements. C'est John, le maître d'hôtel amateur de coffre-fort, qui parle comme le cœur antique, en allant chercher son revolver caché dans la boîte à biscuits. Quand ça change, ça change. Avec un peu de persévérance, tout ça terminera à l'heure pour le mariage, à peine obscurci par une voiture qui achève de brûler devant Saint-Germain-de-Charonne. Il ne s'agit que de faire mentir les éternels sophismes de l'abandon et la sagesse menteuse du repli, qui n'en finissent pas de répéter qu'on ne devrait jamais quitter Montauban. Jacques, si je le vois, je le crève, parole d'homme. Mollo, pomme chips, mollo. Joe a raison, pomme chips. Vas-y, mollo. Si je savais où il est, il serait déjà plus. 2 ans à fabriquer de l'espadrille pour les congés payés, ça ne suffit pas? Eh ben moi si. C'est pourquoi je dis et je réitère, alors mollo. Mollo. Voilà ce que Michel disait, et les gens sont à côté de la plaque. Je déteste l'argot, c'est une convention littéraire. Curieuse position, hein? Un jargon artificiel de Tartarin et de Matamor. Moi, je trace en langage populaire, c'est différent. Je ne parle pas argot et je ne suis pas un titi. Et chaque fois qu'un homme dit du peuple a le sens de la répartie, on dit que c'est un titi. Quand c'est un homme dit du monde, on dit qu'il a de l'humour. Non seulement il a sauté ma fiancée du temps qu'on était au placard, mais il s'est installé chez elle. Et il m'a aussi changé les serrures. Mais elles étaient peut-être usées. Oh, écoute la douane. Écoute, quand un homme fait ça à un autre homme, l'homme doit le passer à la moulinette ou alors c'est pas un homme. Dans des cas comme ça, moi je bute pas. J'anéantis. Vas-y, mollo. Messieurs, à la liberté... Quel premier besoin du peuple. Il y a eu un ton français dans les années 50 qui m'a servi à moi après dans les années 60. Hein. Georges Lautner, réalisateur. Mais c'était des films plus sérieux et ça a été un engouement parce que c'était des beaux textes, c'était des beaux personnages et c'était des belles histoires et c'était des bons metteurs en scène et c'était des bons acteurs. Il y avait un concours de choses quand même à l'époque. Il y a eu des films formidables. Alors qu'il ait eu du succès, c'est normal. Si quand un dialoguiste, et puis il y avait eu l'influence de Janson. Les gens aimaient les dialogues de Janson. Il y en avait eu d'autres de dialoguistes, je les connais plus. Il y avait Spack, il y a eu ben Manou, il a fait des dialogues de cinéma. Il a en sous-main, il les a pas signés, mais si vous voulez, il y avait tout un courant et c'était la fin de la guerre. Comme la peinture s'est mise à revivre, la littérature s'est mise à revivre et le cinéma s'est mis à revivre et les poètes du cinéma sont mis à revivre. C'est comme ça que les choses sont venues, sont des courants, sont des vagues. Moi, j'ai sorti le costard Rider et je pointe en rafale. Les chouettes. Eh ben, il peut, non? 80 sacs. On me l'avait livré juste le jour où... Oui, enfin bref, il a pas vu le jour. L'avantage de mettre le prix, c'est que ça se démode pas. Tissu british, coupe italienne, 2 boutons, revers long, cheviot peigné, doublure de soie avec les initiales brodées. C'est pas dur, y a pas mieux. Hein, mate un peu le tombé du froc. Et l'aisance. Il plonge un peu devant. J'aime mieux pas te répondre, j'aime pas vexer. Moi, j'ai plus de crèche, plus de casse-croûte, plus de vestiaire. Ce veston-là, je l'avais quand les poulets m'ont épinglé. C'est tout ce qui me reste. Ah, ça, faut reconnaître. Et c'est quoi la couleur? Ce serait pas une tentative de prince de Galles qu'aurait viré Framboise? Je te donnerai l'adresse de mon fripier. The Modern Taylor, en haut de la rue Conincourt, il te fera des prix. Des prix? T'es marrant, toi. Je suis raide à blanc. Eh ben, t'as des potes, non? C'est pourquoi les potes? Michel a... Bon, on peut dire qu'il a inventé pour les films, je dis bien pour les films, un langage. Et ce langage vient jusqu'à nous aujourd'hui... parce que le public se reconnaît dedans, parce que ce sont des mots qui l'amusent. Il y a une phrase, moi, qu'on n'entend jamais dans les tontons flingueurs. C'est un mec qui l'ouvre, qui dit trois mots, et il prend un grand pain sur la gueule, et Francis Blanche dit, c'est fou, cette manie qu'ont les marins de faire des phrases. Je trouve ça formidable. C'est pas de l'argot, c'est rien. Et les gens qui entendent ça gardent la phrase et te la répètent pour faire taire un connard. C'est merveilleux. Et je sais pas, moi j'ai une passion pour sa langue, mais quelle formation il avait eu, quelle formation il avait. Faut retracer les choses dans l'époque, dans le moment. Qu'est-ce qu'on a lu nous à l'école? On a eu Prévert. Et on a eu les dialogues dans les films de Carnet, il y a toute une école. Et quand j'étais môme dans le Midi, j'habitais un petit hôtel, et au bar, il y avait le soir, tous les soirs, La Roche, Prévert, Salacrou, et je bichais avec un copain en entendant leur récit. Alors on a été formé à cette langue, la langue de Prévert, qui est une langue quand même un peu contestataire. Et quand j'ai retrouvé Audiard dans Courte Tête, bien, c'est un mec qui avait le sens d'une part des formules, d'autre part de la dérision et de la révolte, de l'anarchie. Docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Il est en plein dans l'utilisation de la langue populaire, mais jusqu'à ses confins. Françoise Montelbaum-Reiner, linguiste. Et comme toute personne amoureuse de la liberté, il prend des libertés avec les usages de la langue française, mais en restant au cœur de la langue française, il n'en sort pas. Je pense pas que Michel Audiard détourne des formules argotiques populaires. Il est au contraire là, pour le coup. Ces décalages, c'est une chose, c'est des décalages dans les images, dans les constructions de sens, avec les mots de la langue. Au contraire, la langue populaire, il la magnifie, il en donne toute la saveur et montre comment l'esprit doit travailler, comment la pensée doit se déplier sans cesse pour produire les énoncés qu'il produit, qu'il met dans la bouche des personnages, qui parlent tant à tous les spectateurs de tous les niveaux sociaux, quel que soit le niveau de langue qu'ils utilisent. J'ai rencontré Michel Audiard en 1900, l'hiver 38-39 au Vel'Div. André Pousse, acteur. J'en ai passé professionnel, j'étais en première catégorie sur la route et sur la piste. Je descends de vélo pour aller aux douches et un petit lascar qui descend de vélo à côté de moi qui me fait « Ah dis donc, tu marches toi en ce moment, je t'ai vu dimanche dans le match à l'UM, qu'est-ce que tu leur as mis dans la gueule hein ?» Alors je le regarde, ça fait plaisir les compliments, hein. D'autant plus quand on est jeune. Alors, ben, j'ai dit, je te remercie. Je lui ai dit, puis je le regarde, puis je vois, on a l'habitude, hein, tout de suite, je vois. Je dis, t'es en 4, toi, 4e catégorie, c'est-à-dire dans les débutants, encore pas gagné de course. Quoi. Ouais, ouais. Je lui ai dit, mais tu fais pas que de la piste, tu fais de la route aussi. Ah non, j'ai abandonné la route. Et là, j'ai eu la première réplique de Michel Audiard. J'ai dit, pourquoi t'as abandonné la route? Ben, parce que je montais pas les côtes. Alors, ça m'a fait rire. Et ça m'est resté. On est devenus copains. Et puis il est devenu porteur de journaux. On s'est perdu de vue. Et puis il a commencé à écrire, à bricoler, dans plusieurs journaux d'ailleurs. Et puis après il a fait la carrière que l'on connaît. On s'est retrouvés, on ne s'est plus quittés, quoi. C'est marrant. J'ai souvent pensé à la mort. La mienne, bien sûr. Je voyais ça vers les 70 piges, avec un encadré dans la revue médicale. Le professeur Samuel Goldman est mort d'un arrêt du cœur. Et je vais mourir ici, de soif, comme un géranium. T'as fini? Bon, alors debout, si t'as oublié quelque chose, tu nous le diras en marchant. Allez, route. Entre nous, vous ne croyez pas qu'elle s'arrête ici, la route? On n'a plus de bagnole, on n'a plus de flotte, on est à 700 bornes de nos lignes. Eh ben, on va les faire. Comment? Eh ben, à pince! Pauvre dingue, demain matin, t'auras les pieds comme ça! Oh, les pieds, la langue, l'espace, mais tu nous les as déjà servis, hein? Ben, tu verras! Eh ben, si je peux pas marcher, je rentrerai, je les ferai sur le ventre, s'il le faut, les 700 bornes, mais je les ferai! Tu les feras? Oui, je les ferai! Et puis, même si je peux pas les faire, le seul moyen de trouver quelque chose, une patrouille, n'importe quoi, c'est de marcher! Eh ben, tu marcheras, mais sans moi! On abandonnera tous les deux, je te dis. On abandonnera tous. Mais oui, c'est ça, abandonne! Abandonne donc, Dudu, tu parles, si je l'ai entendu, ce couplet-là, abandonne. Et puis finalement, c'était l'autre mec qui allait sur son cul. La boxe, c'est quand même pas le même truc. Si, exactement, il y a deux solutions, pas trois. Comme c'est ici, vous marchez, ben moi je marche. Et vous aussi. Non. Je suis désolé, brigadier, j'ai pas vécu 11 mois dans la peau d'un hussard pour finir dans celle d'un fantassin. Ça veut dire quoi? Simplement ceci, j'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Alors je vais donc rester ici, fumer mes dernières cigarettes et attendre. Je vous laisse le soin de ramper à quatre pattes dans le sable, la langue dehors. Moi, les mouches me trouveront assis. Les dialogues d'Audiard ont cette particularité, et si on les a tellement savourés en les entendant pendant les films que nous regardions avec un grand plaisir, c'est que de l'argot, il a pris la plus grande richesse. Alors, il faudrait dire deux, trois mots de ce qu'est l'argot. L'argot, c'est un vocabulaire qui a la particularité d'être construit sur la langue française. Mais l'argot, le vocabulaire argotique, a cette particularité de dire une réalité que les mots de la langue académique ne connaissent pas. Donc, c'est un vocabulaire qui coexiste, qui ne double pas, mais qui coexiste avec le vocabulaire académique. Et d'ailleurs, ce que montrent les films dans lesquels interviennent les dialogues d'Audiard sont des réalités très particulières. Et il joue admirablement de toutes les ambiguïtés, de tous les doubles sens. Quand il y a des phrases qui sont toutes faites et qui veulent dire une chose, il réutilise cette phrase qui veut dire une chose pour lui faire dire autre chose. Par exemple, quand dans Taxi pour Tobrouk, Aznavour, qui joue le rôle d'un médecin, pense à la mort et parle de la mort, il va dire « je vais mourir de soif comme un géranium ». Or là, c'est un défigement que fabrique Audiard sur un énoncé tout près qui existe pour dire avec une fonction de pudeur, sans le dire, que quelqu'un est mort, on dira... tout le monde, tous ceux qui manient l'argot pourront dire et savent qu'on dit dépoter son géranium. Donc en reprenant le géranium du dépotage, le médecin dit « je vais mourir de soif comme un géranium » et il défige « dépoter le géranium ». Mais là, interviennent énormément de choses, à la fois le défigement, mais également la fonction de pudeur de l'argot que peu de gens connaissent, parce qu'on confond souvent l'argot avec les grossièretés, la vulgarité, les mots pornographiques, qui ne sont pas de mise ici. La preuve, c'est que c'est même pour parler d'un thème d'un très haut niveau de réflexion, la mort, et qui concerne tout le monde, et utiliser les mots qu'utilise Audiard tel qu'il le fait, c'est permettre à chacun de penser à soi. Il donne à chacun de ses nouvelles en utilisant les mots de tout le monde dans des constructions qui font penser à autre chose. Alors, tu me le rends, ce petit service? Non. C'est tout de même incroyable. Gérard veut un poste à Rome, tu le lui fais avoir. Robert a une sale histoire à Saïgon, tu arranges le coup. Canet guigne une charge d'agent de change, tu la lui offres, c'est pourtant un étranger, Canet. Tout le monde a droit à la munificence Schudler, tout le monde sauf moi. Nous sommes pourtant de la même famille. Nous ne donnons pas le même sens à ce mot. Ah, voilà. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Tiens, même la guerre, nous ne l'avons faite ni l'un ni l'autre. Eh bien, toi, tu représentes le héros de l'intérieur et moi, le planqué. Non. Avoue que tout ça est bourré d'injustice. Mon cher Lucien, je suis ravi de t'avoir revu. Maintenant, si tu veux bien me laisser travailler. Ah, travailler. Ah, là, j'attendais ça. Le maître mot, l'explication de tout. Voilà 40 ans que tu travailles et que je ne fais rien, que tu gagnes de l'argent et que j'en dépense, que tu collectionnes les présidences et moi les aventures. Vous me haïssez parce que je m'amuse. Vous me haïssez et moi je vous emmerde. Ça, c'est bien vrai. Non mais attends, le coup de ce matin à l'église n'était qu'un hors-d'œuvre. Je peux faire mieux, beaucoup mieux. Jusqu'à ce que vous ayez envie de me tuer. Seulement, mon cher cousin, si tu fais ça, on te mettra en tôle. Et alors, plus de Légion d'honneur, plus de banque, plus de susuc. Mademoiselle, voulez-vous venir avec un bloc? Monsieur veut nous faire ça à l'intimidation. Michel Audiard, comme tous les gens qui avaient un certain génie de la langue, parce qu'il a eu un vrai génie de la langue, il inventait presque des expressions, mais qui étaient très proches de l'argot naturel. Denis de la Patellière, réalisateur. Puis il y a eu sa rencontre avec Gabin, dont c'était aussi la langue maternelle, et il s'est établi une sorte de langage commun entre eux deux. Il y a une symbiose extraordinaire. C'est-à-dire que les plus grandes réussites, d'ailleurs, de Michel, c'est avec Gabin, parce qu'il parlait vraiment le même langage. Et quand il écrivait pour Gabin, il était totalement à l'aise, parce qu'il savait exactement ce qu'allait lui aller. C'était la même langue. Et je crois que c'est en effet au moment où il a commencé à travailler pour Gabin qu'il a trouvé vraiment l'acteur où il prenait son pied quoi, pour écrire les dialogues. C'était formidable. Donc, c'est-à-dire que Gabin, comme toujours, ça, il y avait un rite. Quand le scénario était terminé, il lisait le scénario. Bon, s'il y avait des gros problèmes, il voyait l'auteur, il discutait, il disait, bon, il y a des trucs qui ne vont pas, etc. Mais là, quand ça allait, simplement, il passait une journée ou deux journées ou trois avec le metteur en scène, ça se passait avec moi, où on voyait page par page, tranquillement, entre quelques déjeuners, le scénario, et simplement... Tranquillement, il regardait si ça collait. Alors, quelquefois, il y avait une phrase où il disait « Oh, là, j'aime pas trop ça. » Mais c'était toujours très peu de choses. Et les retouches que faisait Gabin au dialogue, c'était toujours la dernière minute. C'est-à-dire, il me faisait venir juste avant de parler. Et simplement, il disait... C'était simplement pour enlever quelques mots. Mais c'était génial, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais il disait, si j'enlève ça, ces deux mots-là, c'est pareil, ça veut dire la même chose. Mais jamais il le faisait de lui-même. Il était très respectueux de ce qui était écrit. Quand Gabin enlevait un mot, c'était un mot qu'il pouvait enlever. C'était pas... Il avait la hantise de resserrer les phrases, serrer le texte. Audiard, d'ailleurs, n'aimait vraiment faire du dialogue qu'en sachant quel acteur allait jouer. Il travaillait des textes pour des acteurs. Il voulait savoir dans quelle bouche ce serait. C'est pour ça, d'ailleurs, généralement, que ça colle si bien, quoi. Parce que c'est fait pour eux. Dans la mesure du possible, d'essayer de savoir le plus tôt possible, dans l'écriture, qui jouerait qui. Thank you. D'abord, quand il écrivait des dialogues pour un comédien, à moins qu'il ait deux phrases à écrire, mais je veux dire vraiment des dialogues, il déjeunait ou il dînait avec lui deux ou trois fois. Déjà. Et là, c'est très important. Et André Pousse. Il écrivait pour la personne. Cela dit, on ne se rend pas compte quand on ne l'a pas connu, comme je l'ai connu moi. Il était doué, mais hyper doué pour écrire. Hyper doué. C'est pas difficile pour pouvoir écrire autant de répliques avec le mot con. C'est pas croyable, les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Si les cons volaient, tu serais chef d'escadrille. La connerie, c'est ce qui donne le mieux une idée de l'infini. Celle que je préfère, c'est, je crois que c'est une réplique qu'il avait écrite pour Jean, pour Gabin. T'es vraiment con, hein, toi. Puis il prend un temps, il fait, non, t'es pas con, t'es bête. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, de temps en temps, il m'a demandé, je veux pas dire que j'ai fait des dialogues avec lui, c'est pas vrai, mais de temps en temps, il m'a demandé, tiens, t'as pas une idée, là, j'ai rien, là. Et un jour, je me souviens dans quel film c'était, je me souviens plus. Où à un moment donné, il y a un plan où je suis avec un jouet pour les mômes, là, où on met une pièce de monnaie. Et puis quand vous faites un chiffre, il y a des billes, une bille qui circule. Et alors là, au lieu à la fin, il y a une partie gratuite. Et au lieu de ça, à la fin, il avait fait faire une petite boîte en contreplaqué avec un pigeon dedans, avec sur le dessus, un papier de soie très très fin. Et la bille, quand elle arrivait au bout, déclenchait un ressort, tchlac, et le pigeon était éjecté, il s'envolait. Alors, il n'y avait pas de texte, c'était un truc comme ça, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, il avait fait ça pour se marrer, parce que ça ne correspondait pas au personnage. Et puis, au dernier moment, il me fait, faut que tu dises quelque chose. Je lui dis, prends ton crayon, puis on rigole. Il me dit, j'ai rien. Je lui dis, c'est ton boulot, puis on rigolait avec ça, quoi. Ouais, mais j'ai rien, t'as pas quelque chose, toi. Et il se trouve que c'était une époque où il y avait dans les journaux, tous les jours, depuis près d'une semaine, des titres concernant les dauphins. Parce que les Américains avaient dressé des dauphins pour aller porter des bombes sur les navires soviétiques. Et on parlait que des dauphins. J'ai dit, je sais pas, je peux dire quelque chose. Je peux dire, c'est plus con qu'un dauphin, mais ça vole. Il me dit, voilà, c'est une bonne réplique. Et c'est la réplique qu'on a utilisée dans le film. Tu commences par le commencement. Honneur aux dames. Madame Mado, je présume ? Elle-même. Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques embarras dans votre gestion, momentanée, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications ? Des explications, monsieur Fernand, il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif ? Le client qui venait en voisin, « Bonjour mademoiselle, au revoir madame. » Au lieu de descendre maintenant après dîner, il reste devant sa télé, pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Pourquoi ? Voulez-vous me le dire ? Encore la télé ? L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Ah. Mais dites-moi, vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Alors là, monsieur Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou, à la nage. Bien, je vous remercie, madame Mado. On reposera de tout ça. Là, c'est le jeu du calque. Dans les registres populaires, dans les registres argotiques. Françoise Mandelbaum-Renner. C'est prendre le calque de ce qui se dit dans certaines situations. Par exemple, effectivement, quand cette tenancière de bordel est rencontrée par ceux qui viennent lui demander des sous, qui viennent prendre leur dû, parce qu'ils ont investi dans cette affaire, et ils en parlent d'une façon complètement neutre. On n'est pas censé savoir que les objets qui sont vendus sont les charmes des femmes qui sont là. Donc on ne parle pas de prostitution. Donc dans la neutralité du discours, il s'adresse à cette femme dont ils viennent regarder, vérifier les comptes, comme si c'était des agents du fisc. Et les explications qu'elle leur donne, la première explication est absolument admirable, c'est récession, manque de main-d'œuvre. Et ça, c'est un discours syndical, c'est un discours social. Et qu'est-ce que c'est que cette récession et que ce manque de main-d'œuvre ? Eh bien, le manque de main-d'œuvre, c'est les prostituées qui vont travailler ailleurs. Et la récession, c'est les clients qui ne viennent plus. Donc, il y a moins de clients et moins de main-d'œuvre. Effectivement, il y a une récession générale qui est expliquée, mais avec des termes absolument pas argotique. Ce qui n'est pas dit en mots est montré dans l'image et les spectateurs vont compléter ce qu'il n'y a pas dans les mots par l'image et par ce qui leur est montré. Michel Audiard a la particularité de savoir être toujours en décalage. Donc ce décalage, les spectateurs sont aussi habitués à ces décalages et au discours Audiard. Et là, on retrouve une autre fonction de l'argot qui est la fonction de connivence. Cette façon d'être, de produire un discours connivenciel est tout à fait agréable pour ceux qui en sont, c'est tout à fait déplaisant pour ceux qui en sont exclus. Or, c'est le propre du fonctionnement de l'argot et ça doit être très difficile de traduire Michel Audiard dans une autre langue. Or, c'est la fonction de l'argot que de soit faire des décalages, soit faire des métaphores, soit faire des ambiguïtés. Mais de toute façon, c'est pas une conversation à deux, mais à trois. Il faut toujours exclure un blaireau. Et le blaireau, c'est le jeu du tiers exclu. En plus de tout ça, une poésie gigantesque et une poésie populaire qu'il faut vraiment mettre en valeur et qu'on ne sera jamais assez nombreux pour dire combien elle émane du peuple qui n'est pas instruit, qui ne va pas à l'école, qui ne sait pas faire des belles phrases, mais qui a du talent et qu'il faudrait mettre en valeur comme lui a su le faire. Georges Lautner. Vous savez, quand on écrit un film, le ton vient en cours de route. Et pourquoi on part dans une direction ou dans une autre ? Il y a le travail d'adaptation qui se fait, où on place les gens, où on place leur caractère, on place leur physique, parce que dans les films qu'on avait la chance de faire à cette époque, on savait avec qui on tournait, les acteurs acceptaient à l'avance, donc on écrivait pour eux. On se racontait le film, et il y avait parfois des déviations, des trucs. Là, bon, on m'a souvent parlé de la scène de la cuisine dans Les Tontons. Qu'est-ce que c'était au milieu de toutes ces phrases, de toute cette action, des coups de feu et tout ça? C'était des mecs qui se rappelaient leur jeunesse. C'était tendre et tendre autant que ça peut, avec la pudeur que ça comporte, quand tu te souviens de cette petite tôle du côté de Biennois. Ça, et quand j'ai tourné la grande sauterelle, qui était un sujet dont on n'arrivait pas à sortir, il a tout d'un coup inventé un personnage pour Francis Blanche, qui n'était pas du tout Francis Blanche, mais qui était le romantique, qui évoquait les mers lointaines, surtout, ne passe pas trop près de la mer, de la côte turque, et il a fabriqué un personnage très poétique au milieu de la scène. Ils sont sortis de prison ce matin, et votre cousin, rapport à sa dame qui était celle de l'autre, il pourrait bien... Car cette dame n'a pas le droit de disposer d'elle-même. Assez moyenâgeux. Oh, mais c'est pas si simple. Ils sont moral. Bien sûr, M. Martinet, c'est un artiste, un bohème. Oh. Vous avez l'habitude de l'amour libre et des mœurs plus ou moins dissolues. Vous savez, on en dit plus qu'on en fait. Faudrait des sous. Ah. Bon, à vous entendre, la môme requis, ça serait Blanche de Cassis, les diamants de la couronne ou le lingot d'or sur fin. Eh ben, pour moi, c'est rien qu'un bourrin comme les autres. Forcément, tu causes sans connaître. Sans connaître qui dit. T'as parlé que de ça pendant 2 ans, je connais le parcours mieux que toi. Les chasses de madame, les cannes de madame, les noix de madame. Je te dis pas qu'on se désintéresse, moi je suis curieux de la vie, mais ça finit par lasser. Alors, vous avez dit le 11, le 5 et le 2. Oui, 11 et 5, 16, 16 et 2, 18, 8 et 1, 9. 9, c'est mon chiffre. Faudrait des sous. Voilà, vous n'avez plus qu'à présenter votre fiche au guichet. Merci, Émile. Écoute-moi bien, Pomchip, c'est un avis sérieux. T'oublies la môme Rocky et tu repars à zéro. À Paris, en ce moment, avec le beau temps et le tourisme, tu peux pas savoir les petits sujets disponibles. T'emballes de l'anglaise à tout va ou de la suédoise si le grand format te rebute pas. T'as le marché commun à portée de la pogne. On entend dans l'extrait, la môme Rocky, ça serait Blanche de Castille, les diamants de la couronne, des lingots d'or sur fin. Quand on entend la môme Rocky, on suppose bien que c'est une femme. On peut imaginer qu'elle est jeune. Mais quand on met en équivalence avec un autre nom qui est Blanche de Castille. Blanche de Castille, c'est une reine, et c'est une reine catholique. Et est-ce qu'il faut croire que la môme Rocky, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, et c'est dans ce monde-là pas du tout une prostituée, mais la fille d'une bourgeoise à marier. D'autant plus que c'est les diamants de la couronne. Alors les diamants de la couronne, il faut savoir que ça pose un problème parce que les bijoux de la couronne, c'est le sexe mâle. C'est du lingot d'or surfin. C'est pas du lingot d'or fin, mais c'est surfin. Ça veut dire que c'est vraiment une princesse, une dame d'une délicatesse exceptionnelle, d'une immense valeur. Mais alors, est-ce que c'est une femme? Parce que les diamants de la couronne, ça pose question. Donc ça, c'est une métaphore, mais alors qui est filée, hein, et qui ne dit pas qui c'est. Heureusement qu'il y a un autre personnage qui renvoie une autre réplique pour dire que pas du tout. Elle est ni Blanche de Castille, ni les diamants de la couronne, ni le lingot d'or sur fin. Non, pas du tout, c'est un bourrin. Et qu'est-ce que c'est qu'un bourrin? Ben, un bourrin, c'est un cheval seulement. Pas n'importe quel cheval. C'est un cheval très lourd. C'est un cheval de labour dans le vocabulaire du turf. Donc, les mots, les expressions qui correspondent complètement avec la situation où ils sont en train de miser sur des chevaux. S'agissant de cette femme dont il est question, et quand l'un des personnages dit « je connais le parcours », il parle du parcours de la femme. Il sait qu'en fait, c'est une prostituée. Mais « je connais le parcours » est du vocabulaire turfiste, parce qu'il faut suivre le parcours d'un cheval, son histoire, pour savoir si on va le jouer gagnant ou placé. Donc, je connais le parcours, ça concerne un cheval, et là, c'est utilisé à propos d'une femme. Je crois pas que qu'il y ait eu une évolution technique dans les dialogues d'Audiard. Pas du tout. Il y a simplement des évolutions de situation par rapport au film. Comme je vous l'ai dit, on travaillait la construction d'un film ensemble. Et puis après, il était installé parce qu'il vivait à la campagne, il était installé à l'hôtel de Trémouille. Et on allait, tu as des dialogues pour nous. Ah, attends, je vais me mettre dans un coin. Et en 2 heures, il sortait 10 pages de dialogue. Il avait une facilité. Mais, de dialogue sur des films complètement travaillés et pensés. Alors, est-ce qu'il y avait une évolution? Bien sûr, il y a une évolution par rapport au temps. Mais je crois pas qu'il ait cherché une évolution. Je crois que c'est lui qui a écrit Mortelle randonnée. C'était un film formidable. C'était un drame. Et c'était le drame d'un père qui perd sa fille. Et Audiard avait perdu son fils. Voilà une évolution. C'est une évolution humaine. C'est pas, après, Garde à vue, c'est lui aussi. C'est un film archi sérieux. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Pile ou Face, je crois. Et ce sont des films éminemment dramatiques. Ça veut pas dire que on cherche quelque chose. Ça veut dire que l'homme lui-même, d'abord on lui a donné l'occasion de faire ça alors qu'on lui donnait peut-être pas avant. Et puis il en avait gros sur le cœur et il avait envie de sortir toute cette tendresse qu'il avait en lui. Hé les gars! Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. Le temps qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Tenez, en demandant. Pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons, s'il vous plaît? J'ai dit ôtez vos frocs. J'aimerais voir ce que vous portez en dessous. On dit que la soirée vient à la mode. Parfois, la caméra est prise de vertige et scrute le paysage à la verticale, sable irisé, macadam granuleux, pour rappeler que la nomade décadente est une marcheuse qui piétine le monde en croyant le dominer. La dépressive. Sa caméra va régulièrement se percher au bord de la falaise où Juliette promène son amertume. La Parkinson. La caméra tremble, plonge, valse, comme tenue par des mains malhabiles. Elle tourne autour des personnages, les effleure, se cogne au décor, est-elle un insecte affolé, revient et prodigue une intense sensation de malaise. La bigleuse, de ce périple hallucinant, la caméra myope n'a ramené que des visages. Alors Pierre et Tex, nous venons de lire ensemble quelques entrées d'un livre qui n'est pas un dictionnaire, d'un livre qui s'appelle Criticon. Criticon, un gros titre, et en dessous, La caméra. C'est édité chez Séguier Archimbault dans la collection Carré Ciné. Alors Pierre et Tex, on se souvient du mot fameux, sans doute apocryphe, du général de Gaulle, attaquons, attaquons comme la lune, à Saint-Cyr. Vous, c'est un peu critiquons, critiquons comme la lune qu'on peut lire entre les lignes de cette caméra omniprésente. On a l'impression, en gros, et votre préface ne fait rien pour dissiper cette impression, que vous n'appréciez pas forcément cette dépossession de la part des critiques qui ne voient souvent que la caméra. C'est peut-être un peu le doigt qui désigne la lune. Ils ne voient pas la lune, ils ne voient que le doigt, non ? C'est-à-dire que quand un cinéaste digne de ce nom fait tout pour que jamais on ne soupçonne la présence d'une caméra dans un film, il n'est pas très normal que des gens dénoncent justement ce que fait la caméra. Quand on voit un film et qu'on entre dans un univers, dans l'univers d'un cinéaste qu'il propose, d'un auteur, on ne regarde pas comment est fait le film. On est pris par ce qui se passe. Et quand on commence à disséquer les choses, surtout que la critique s'adresse au plus grand nombre, alors, ça devient un peu inquiétant. Moi, je n'ai pas fait ça pour donner de leçons à quiconque. J'ai fait ça parce que ça m'a amusé, j'ai trouvé ça dérisoire. Et comme disait Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais Pierre Etex, on a l'impression que c'est quelque chose qui bouillonnait peut-être en vous depuis longtemps, et vous avez voulu donner à une sorte de sainte colère cette démarche presque discrète et pudique. Mais on sent, par exemple, vous faites une toute petite préface qui se termine ainsi. « Qui donc, en retour, saura vanter les qualités de leur stylo, qui écrit si bien leurs articles ?» Leur, ce sont donc les critiques. Est-ce que vous inscrivez dans cette espèce de rejet de la critique de la part des créateurs qui est en train de prendre une certaine ampleur en ce moment, notamment dans le milieu du cinématographe, Pierre Etex ? Non, je suis contre tout ce qui démystifie et démythifie. Je pense que le problème aujourd'hui, il n'y a plus tellement de magie dans quoi que ce soit. On a dépoétisé les choses, on empêche aux spectateurs ou aux lecteurs la possibilité de rêver encore. Il me semble que les choses suggérées, ou en tout cas celles qui font appel à la sensibilité et à l'intelligence du spectateur, sont les seules vraies valeurs. Je pense que justement, lorsqu'on dénonce des choses, qu'on explique, qu'on explicite abondamment et de façon adroite ou maladroite, peu importe, je pense qu'on enlève énormément de plaisir aux spectateurs. Et moi, qui suis un homme de spectacle et qui était habitué à essayer d'avoir un dialogue avec le public, c'est-à-dire le public renvoie toujours la balle. C'est quelqu'un qui est en face de vous ou autour de vous, comme au cirque, et c'est quelqu'un sans qui vous ne pouvez rien faire. C'est le spectateur, vous ne pouvez rien faire sans lui. Donc, j'ai toujours respecter infiniment le spectateur et j'ai toujours tout fait pour établir justement cette connivence. À partir du moment où il y a un tiers qui s'interpose et qui explicite les choses à sa façon à lui, je trouve ça indélicat. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Quand je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans les films à effets spéciaux, on apprend par la télévision très rapidement comment sont faits les trucages, je ne vois pas le plaisir qu'on peut trouver à découvrir un film. Je pense que quand on voit un film de Kubrick, on n'a pas besoin de nous expliquer quoi que ce soit. Mais est-ce que vous avez, Pierre Attex, été parfois agréablement surpris par une critique? Est-ce que vous avez, en gros, trouvé sous vos yeux une critique qui ressembla au film que vous tentiez de faire? Vous savez, je ne me suis jamais posé la question, parce que j'ai jamais travaillé pour la critique. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours été sensible à une bonne critique, ce qui est tout à fait humain et normal. Je ne remets pas en cause la fonction de la critique qui donne envie justement au spectateur d'aller voir quelque chose, quoi que ce soit. Ce que je réprouve, c'est ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire cette façon de vouloir expliquer, démystifier. C'est un peu comme un prestidigitateur qui vous montrerait la façon dont il opère avant de vous montrer les faits, le truc. Mais excusez-moi d'insister, de m'immiscer avec lourdeur dans votre univers, mais la question était, est-ce que vous avez trouvé une ou deux fois, ou une dizaine de fois, je ne sais pas, une critique qui ait pu vous convenir? Est-ce que vous avez l'impression que des gens rendaient compte de votre travail sans être un éléphant dans un magasin de porcelaine? Oh, mais certainement. Ça, oui, j'ai trouvé du plaisir souvent. Et même lorsqu'elle n'était pas en ma faveur et qu'elle dénonçait des choses qui me semblaient tout à fait opportunes, je ne peux pas dire que j'y trouvais un plaisir. Mais en tout cas, je n'y trouvais pas le même plaisir, mais en tout cas, c'était instructif et c'était extrêmement intéressant. Je n'ai jamais fait fi de la critique, jamais. Au contraire, puisqu'elle existe, il faut faire avec. Je veux dire que à partir du moment où la critique vous encense, ça peut être très dangereux dans certains cas. Et j'ai eu des critiques élogieuses qui ne m'ont fait aucun plaisir parce qu'elles étaient complètement en marge de ce que j'avais tenté de faire. À l'inverse, j'ai eu des critiques élogieuses et qui m'ont fait un grand plaisir. Je vais lire quelques autres moments de votre livre, Pierre Attex, Critiquons la caméra. Yves Robert rêvait de tourner de nouveau avec Miu Miu, mais cette fois des deux côtés de la caméra. Et là, c'est pour vous dire que, bon, on va en parler, mais John Bertolucci a plongé sa caméra dans le bain bouillonnant de la capitale anglaise, captant toutes les tendances avec une impressionnante agilité. Là, vous avez surtitré la jacuzzi. Le J.C. Kelly, Tim Burton fait slalomer sa caméra au milieu d'une foule de personnages. Là, j'ai cité quelques passages où ce n'est pas la caméra, comme si c'est la caméra de quelqu'un. Donc oui. Là, par rapport à d'autres citations, notamment celles que nous avons lues au début de notre entretien, vous n'êtes pas de mauvaise foi, mais presque tout de même, Pierre Attex, non? Je ne suis pas de mauvaise foi, non. Je ne pense pas avoir abusé. Je pense que, justement, il y a des gens qui se permettent justement de porter un jugement qui me semble définitif. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas la caméra, que c'est le réalisateur. Mais il y a la caméra de Chabrol aussi qui, à un moment, intervient. Elle est tellement habile qu'on a l'impression que Chabrol n'a rien fait. Et c'est ce paradoxe qui m'a frappé. C'est que lorsqu'on parle du réalisateur, et ça arrive de temps en temps, il n'est plus question, bien entendu, de la caméra seul, mais il est question de la façon dont le réalisateur utilise la caméra. Et ça, je trouve ça un petit peu maladroit. Quand on dit, par exemple, que Mocky, encore un film de plus, qui tire plus vite que sa caméra, oui. Ou je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Ça, c'est par dérision, si vous voulez. Yves Robert qui passe derrière la caméra après avoir été devant. Bon, c'est par derrière et par devant, enfin, qu'importe. C'est un jeu, hein, encore une fois. Mais indéniablement, ce que vous dites est juste, mais ça n'est pas vraiment de la mauvaise foi. Pour moi, ça me semblait être une complémentarité. Et alors, je voudrais, pour qu'on comprenne quand même, que vous lisiez ce passage, où là, vraiment, c'est un passage à charge. C'est sous le titre « La partousarde », Pierre Attex. La partousarde, donc. Une caméra brillante, mais voyante, voyeuse pour être exact, se glisse dans les pièces d'un appartement, s'insinue entre les personnages, va de l'un à l'autre, se rapproche, s'éloigne, poursuit dans un couloir Judy, Mia Farrow, bouleversée par la nouvelle qu'elle vient d'apprendre au point de s'enfuir dans sa chambre. Puis la caméra revient sur Gabe, Woody Allen, effaré, lui tant par cette nouvelle que par la réaction de sa femme. Là, on a vraiment l'impression parce que c'est que la caméra est en gros le chien crevé au fil de l'eau, non ? Oui, indéniablement, on a l'impression que la caméra fait, enfin, à travers certains critiques, la caméra fait tout le travail, quoi. Alors vous dites à travers certains critiques et ce livre qui ne veut pas être un livre de dénonciation, vous n'êtes pas un sycophante comme on dit, ce livre ne cite pas ni les organes de presse, ni les auteurs, entre guillemets, de telles critiques. Donc c'est un, vous ne le faites pas pour quelle raison, Pierre Etex ? Je le fais par respect pour les gens qui travaillent dans un journal, pour ceux qui apprécient telle ou telle critique, et je n'ai pas à faire de délation. Il y a eu assez de délation en France à certaines époques, et je n'en ai éprouvé aucun besoin. Je pense que de livrer la chose globalement, alors certes, ça a fait dire à certains critiques qui ont mal pris la chose que... C'est un aspect de la critique qui est, comment dirais-je, passéiste ou quelque chose dans le genre. Alors il est bien normal que le vieil Etex, disait l'article, s'en prenne à cette forme de critique. Bon, je pense que c'est une aigreur d'avoir dit ça. Et ça ne me trouble pas le moins du monde. Et alors, comment avez-vous travaillé ? J'ai presque envie de répondre avec des ciseaux, mais... Oui. Oh, c'est-à-dire que ça m'est apparu comme ça au fil du temps. Ça m'est apparu... J'ai souvent retrouvé cette caméra qui faisait ceci ou cela. J'ai mis ça de côté comme ça. Et puis, un beau jour, m'a pris l'idée de les collecter sans savoir très bien où ça allait. Et puis, pour amuser quelques amis, j'ai mis des titres comme ça. Et ensuite, c'était avec mon fils que nous avons fait ce travail de collecte, mais j'ai perdu lors d'un naufrage, c'est le cas de le dire, j'ai été sinistré chez moi, et j'ai perdu quantité d'articles qui étaient certainement plus savoureux que ceux qui sont là. Mais enfin, qu'importe, je ne boude pas le plaisir qu'on a eu à faire ce petit ouvrage, qui ne va pas très loin, mais qui est divertissant. En tout cas, il peut aller encore plus loin grâce au lecteur, puisque à la fin de ce petit livre, critiquons, à la fin, il y a un petit dessin avec une paire de ciseaux et un petit panneau à vos ciseaux et plusieurs pages laissées à nos propres recherches, à nos propres trouvailles. Donc ce livre, si, il va très loin, je trouve, parce que ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'en définitive, c'est une espèce de colère, pas froide, mais presque acidulée qu'on sent chez vous, cette façon comme ça de nous laisser les choses. J'ai toujours, encore une fois, eu beaucoup de respect pour les spectateurs, donc en la circonstance, les lecteurs, là. Et je me dis que si je peux les amuser un moment, c'est déjà beaucoup. Et si vous me dites que vous avez ri, que vous avez aimé ça, j'en suis ravi. Il n'y avait pas d'autre propos, il n'y avait pas d'autre but. Mais quand Pierre Etex, quand vous êtes avec vos pairs, quand vous êtes avec d'autres créateurs, est-ce qu'il vous arrive de parler de la critique ? Et comment vous en parlez ? Comme de poux dans la crinière d'un lion ? Non. Il ne m'arrive jamais d'en parler. Je me rappelle que j'ai retenu une chose qu'avait dit Ionesco il y a quelques années. Seuls les poètes ont été les critiques en leur temps. Radiguet, Cocteau, etc. Les autres se contentent de procéder par référence, disait-il. Et il n'y a rien de plus redoutable, effectivement, que les références. Alors, on pourrait terminer quand même. Je voudrais juste en lire encore un ou deux. À se fait pas chier, ça c'est le titre. Pendant ce temps, la caméra se balade de prairies détrempées en boudoir coquet, dans une version brumeuse de pub pour les relais châteaux. À nous prend vraiment pour des cons. Autre titre. La caméra imite la pensée tchékovienne. Elle se glisse sous les visages, comme le dramaturge se cache sous les mots et capte l'essence des sentiments. Encore une autre. Ce sera la dernière. « Sans domicile fixe », avez-vous titré, Pierre Etex. « Caméra errante, tremblante, captant un noir et blanc qu'on dirait sale, comme dans ces cauchemars poisseux qui n'en finissent pas. » Et donc, oui, votre livre « Critiquons la caméra », paru chez Séguier Archimbault, est un livre gentil sur quelques lambeaux de textes parfois méchants, Pierrette. Il y a dans le titre une accroche. J'ai voulu absolument que les gens prennent ce livre comme si Coluche avait dit des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si Coluche, soudain, était devenu vivant et qu'il dise « J'ai lu pas mal de conneries, quoi. » Merci beaucoup, Pierrette. Merci à vous. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, aujourd'hui centrée sur le documentaire de Catherine Escrive, Les dialogues de Michel Audiard, avec Georges Lautner, réalisateur, Françoise Mandelbaum-Reiner, linguiste, Denis de la Patellière, réalisateur, André Pousse, acteur. Mixage, Simon Deborne et Delphine Baudet. Réalisation, Françoise Camard. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, première diffusion sur France Culture le 14 mai 2002.